s'appelle, on se réconforte dans les moments de doute. On se croit soudé, on se tient les coudes, coûte que coûte. On évolue et puis on se perd de vue. Le plan classique inscrit dans n'importe quelle revue. On se voit, on se plaît car nos deux corps s'attirent. On se promet l'un à l'autre sans jamais trahir, sans jamais mentir. Mais le pire reste encore à venir, l'avenir. Paraît optimiste avant que sa moitié change de piste. J'suis pas négatif mais réaliste. Analyse ton entourage sans être fataliste. T'as besoin de fumer pour changer d'atmosphère. Ton corps s'habitue mais faut de la maille pour s'évader de la sphère. Obligé de bicraft pour pouvoir pédave à ton aise. Petit à petit même le shit ne t'apaise plus. Tu te retrouves dans la merde. La police te recherche, tes clients te demandent. Tu te demandes comment tu vas payer ton loyer. Faut bicraft encore une dernière fois. Mais les schmitts sont derrière toi. Tu te fais serrer par la police et tu manges minimum 6 mois. T'as plus de poteau, t'as plus de parents. Tu dis capable de vivre seul, y'a plus rien de marrant. Y'a que la solitude qui franchit le seuil de ta porte. Ça t'apporte un esprit macabre. Tu camperges pendant la nuit, tu pètes tes câbles. Alors t'écris au lieu de crier un SOS. T'as beaucoup trop d'orgueil, demande de l'aide. Pour toi c'est écarter ses fesses. Plus rien ne presse, même si tu stresses. Y'a toujours cette solitude qui t'oppresse. Tu veux de l'argent pour pouvoir te mettre au vert. Un fusil de complice, c'est une putain de banque ouverte. C'est la merde, t'entends que tes deux compères veulent ta part. Dans le speed, tu prends ton revolver et fume ces deux bâtards. Assis, fume les va, après c'est le système qui te fumera. T'atteindras mon nirvana, mon nirvana. J'ai vu ci, j'ai vu ça, j'entends ci, j'entends ça. Je te raconte le plan classique. Une histoire qui finit mal, une aventure sans but final. Ou un homme qui passe en phase terminale. J'ai vu ci, j'ai vu ça, j'entends ci, j'entends ça. Je te raconte le plan classique. Tellement de chemin à prendre, tellement de risques à prendre. Ça rend dingue, mais ça reste le plan classique. J'ai vu ci, j'ai vu ça, j'entends ci, j'entends ça. Je te raconte le plan classique. Une histoire qui finit mal, une aventure sans but final. Ou un homme qui passe en phase terminale. Classique. Sans but final. Ou un homme qui passe en phase terminale.